si fidèle, grand roi, pour t'adorer, t'écrire la reconnaissance de mon cœur. Mon âme et mon esprit, tes désirs, viens en moi, viens me conduire vers toi, le chemin qui assure. Laissez corps des hommes, le Dieu de mon salut, ma raison de vivre, le refrain de mes chants. Laissez corps des hommes, le Dieu de mon salut, en toi je veux vivre. À tes pieds je viens demeurer. En toi je veux vivre. À tes pieds je viens t'adorer. C'est le vœu le plus ardent de tout mon cœur. Car en toi s'y trouve le bonheur pour toujours. Tu m'as rendu la joie de t'appartenir et de jouir de la vie que seule ta sainteté procure. Le secours des hommes, le Dieu de mon salut, ma raison de vivre, le refrain de mes chants. Le secours des hommes, le Dieu de mon salut, ma raison de vivre, le refrain de mes chants. En toi je veux vivre. À tes pieds je viens demeurer. Oh, oh, oh, en toi je demeure.